En Corée du Sud, les ouvriers s'engagent dans la grève générale contre la politique antipopulaire du gouvernement qui bafoue impitoyablement leur droit à l'existence. Le 5 dernier, les délégués du comité de mesures communes des syndicats du secteur public, constitués des syndicats sectoriels relevant de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques et de la Fédération des unions syndicales de Corée du Sud, avaient averti de commencer la grève générale sans précédent à partir de la fin de septembre contre la politique vicieuse du gouvernement, comme le système de rémunération annuelle des primes et le système de licenciement forcé. Ces deux grands syndicats ont proclamé le 21 d'entreprendre la grève générale d'envergure, en grande partie des syndicats du service public et financier. À la suite de la grève générale de la Fédération des syndicats du service public commencée dès le lendemain, le 23, le syndicat financier a organisé un meeting de plus de 50 000 ouvriers avant la grève générale et le 24, la solidarité de frais s'est mise en grève contre la politique de travail du gouvernement qui favorise seulement les intérêts des grandes entreprises. À partir du 26, le syndicat d'automobile Hyundai est entré en grève contre l'injuste attitude du patronat à l'égard de la négociation sur les salaires. Le syndicat des chemins de fer et les syndicats de métro de Séoul et de Busan aussi ont commencé le 27 la grève générale pour exiger du gouvernement d'abroger l'introduction du système de rémunération annuelle des primes visant le licenciement massif des ouvriers. Le syndicat de l'hôpital de l'université de Séoul aussi a tenu un service avant de se mettre en grève et le syndicat pour les assurances de la santé et de la population a entrepris la grève. Le syndicat des hommes sanitaires constitué des établissements médicaux les a rejoints depuis le matin du 28 septembre.